Yeah. Micro putain test, 1, 2. KRVE. C'est qui ça? Je vais tabasser la gueule de tous ces négros sur mon chemin gratuit, gratuitement. J'ai des troubles sous la casquette, j'suis pas fou mais pratiquement. Regard vitreux comme un crackman, j'suis le Dark Knight, fuck Batman. Faire de skate pas neuf, j'marche avec mes vieux fantômes comme Pac-Man. J'suis Pac-Man, KR dans la baraque, reste dans les parages. Si tu veux du spectacle, j't'assure les dégâts restent irréparables. J'suis la boule de flipper, boom, biggie bye bye, toujours à la hauteur, inimitable. Je le traîne par le cordon ombilical, lui c'est gore et la torture n'en finit pas. Portez vos plus beaux vêtements, que la fête commence, on vit bêtement. C'est qui ça? KRZE, c'est le sud, MTP dans le bâtiment. Voici le déroulement, je vais vous la mettre genre Pierre Woodman. Déroutant, dégoûtant, surtout pas du genre à faire doucement. On surfe sur le rap, la puissance ne vient pas de la capitale. Liquide toute ton équipe au Uzi comme une attaque ritale. Se propage dans vos systèmes vitaux un peu comme la grippe A. Il va y avoir des turbulences, donc un conseil, agrippe-toi. J'arrive en ville, vous mange tous comme du poulet paprika. Les MC sont transparents comme du putain de papier calque. Quand j'ai pas à pied, je nage pendant que les autres se noient. Je sors les faux papiers. David A, c'est l'offre du rap. Je rate dans le coin comme Tommy Lee, dans le cul de Pamela. Je rate dans le ring comme l'arbitre, ou plutôt comme Dana White. Mes back music dans la caisse, j'ai pas le CD de Barry White. Un café noir bien serré, trop stylé à la terrasse. J'ajoute un sucre, déguste pendant que ces cougars me mangent. J'ajoute mon grain de sel en stud, et le morceau casse la baraque. Je sors le truc, les rappeurs se planquent. J'ai le flow qui casse les jambes, vétéran depuis mes 30. Vendetta comme à l'époque, le son est brut, parfois même crade. Un peu comme Rockstar, ambiance Wu-Tang, cranti, chandelle normale. La gifle est trop forte, rap sans porte, on s'en porte normal. Qu'on parle fort, c'est déjà mort. Frangène, donc forcément de la bande d'or.